Un matin, comme le somnolait était ainsi, une vision la traversa. Une vision rapide de ce tronc ensoleillé, au milieu des sombres feuillages, dans le petit bois près d'Étretat. C'est là que, pour la première fois, elle avait senti frémir son corps auprès de ce jeune homme qu'il aimait alors. C'est là qu'il avait balbutié, pour la première fois, le timide désir de son cœur. C'est aussi là qu'elle avait cru toucher tout à coup l'avenir radieux de ses espérances. Et elle voulait revoir ce bois, y faire une sorte de pèlerinage, sentimental et superstitieux, comme si un retour à ce lieu devait changer quelque chose à la marche de sa vie. Julien était parti dès l'aube, elle ne savait où. Elle fit donc seller le petit cheval blanc des Martins, qu'elle montait quelquefois maintenant, et elle partit. C'était, par une de ces journées si tranquilles, que rien ne remue nulle part, pas une herbe, pas une feuille. Tout semble immobile pour jusqu'à la fin des temps, comme si le vent était mort. On dirait disparus les insectes eux-mêmes. Un calme brûlant et souverain descendait du soleil, insensiblement, en buée d'or. Et Jeanne allait au pas de son bidet, bercée, heureuse. De temps en temps, elle levait les yeux, comme pour regarder un tout petit nuage blanc, gros comme une pincée de coton, un flocon de vapeur suspendu, oublié, resté là-haut, tout seul, au milieu du ciel bleu. Elle descendit dans la vallée, qui va se jeter à la mer, entre ces grandes arches de la falaise qu'on nomme les portes d'Étretat. Et, tout doucement, elle gagna le bois. Il pleuvait de la lumière, à travers la verdure encore grêle. Elle cherchait l'endroit sans le retrouver, errant par les petits chemins. Tout à coup, en traversant une longue allée, elle aperçut tout au bout deux chevaux de selle attachés contre un arbre et elle les reconnut aussitôt. C'était ceux de Gilberte et de Julien. La solitude commençait à lui peser. Elle fut heureuse de cette rencontre imprévue et elle mit au trot sa monture. Quand elle eut atteint, les deux bêtes patientes, comme accoutumées à ces longues stations, elle appela. On ne lui répondit pas. Un gant de femme et les deux cravaches gisaient sur le gazon foulé. Donc, ils s'étaient assis là, puis éloignés, laissant leurs chevaux. Elle attendit un quart d'heure, 20 minutes, surprise, sans comprendre ce qu'il pouvait faire. Comme elle avait mis pied à terre, elle ne remuait plus, appuyée contre un tronc d'arbre, deux petits oiseaux, sans la voir, s'abattirent dans l'herbe, tout près d'elle. L'un d'eux s'agitait, sautillait autour de l'autre, les ailes soulevées et vibrantes, saluant de la tête et pépillant. Et tout à coup, ils s'accouplèrent.